بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de ses bienfaits et d'avoir fait de nous des gens qui cherchent à suivre la voie du Salaf, Ridwanullahi alayhim. Et notre assise de ce soir sera consacrée au mois de Rajab, surtout à ces innovations que certains accomplissent durant ce mois de Rajab. Selon Abu Bakra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le temps est redevenu comme il était le jour où Allah a créé les cieux et la terre, l'année et 12 mois, dont 4 sont sacrés. 3 se suivent, de l'Qi'da, de l'Hijja et al-Muharram. Et le 4e est Rajab de Mudhar, qui est entre Jumada et Sha'ban. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari, rahmatullahi ala immatil muslimin. Et dans le hadith, on comprend que l'année est composée pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, de 12 mois, dont 4 mois sont sacrés. 3 mois qui succèdent l'un à l'autre, de l'Qi'da, de l'Hijja, al-Muharram, le premier mois de l'année. De l'Hijja étant le 12e mois de l'année, et de l'Qi'da étant le 11e. Le 4e mois sacré, c'est le mois de Rajab, qui est le 7e mois, qui est le mois, qui ça fait le 7e jour aujourd'hui du mois de Rajab. Wallahu subhanahu wa ta'ala qaal fi surat at-tawba, inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Dans la traduction approximative du sens de ce verset dans Sourate le Repentir, verset 36, dans la loi d'Allah, les mois sont au nombre de 12, en ce qui est inscrit dans le livre d'Allah depuis le jour où il cria les cieux et la terre. Et 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de droiture. Ne vous faites pas tort à vous-même en ces mois. Ne vous faites pas donc du tort à vous-même en ces mois. Le Repentir, verset 36. Donc, pour les mois sacrés, il s'agit d'Al-Muharram, de Rajab, de Dhul-Qi'da et de l'Hijja. Les Arabes, durant la période pré-islamique, considéraient ces mois sacrés. Considéraient ces mois sacrés qui sont Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja, Al-Muharram et Rajab. Dhul-Qi'da a été nommé Dhul-Qi'da car les Arabes de la période pré-islamique cessaient tout combat et tout voyage. Le mois du pèlerinage de l'Hijja a été nommé ainsi car ils y accomplissaient le pèlerinage à l'époque à la période pré-islamique. Et le mois suivant, c'est le mois d'Allah al-Muharram, qui est le premier mois de l'année. Et là, ce sont les 3 mois de l'année sacrée qui se suivent, et Rajab, il est le 7e mois de cette année. Ceci. Et durant les mois sacrés, les Arabes arrêtaient les hostilités, les guerres, etc. Pourquoi ? Ceci tout simplement afin que les pèlerins puissent venir à la Mecque accomplir le pèlerinage et revenir chez eux en toute sécurité durant ces mois sacrés. Le mois de Rajab, au milieu de l'année, était également sacré, permettant aussi à ceux qui viennent de l'extrémité de la péninsule arabique de visiter la maison sacrée et d'y accomplir la Umrah au milieu de l'année. Le messager d'Allah a appelé le mois de Rajab dans le hadith que nous avons cité, Rajab de Mudar. Mudar qui est une tribu arabe, car cette tribu de Mudar vénérait beaucoup le mois de Rajab. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit Mudar, Rajab de Mudar. Donc, l'année dans la législation musulmane se compte selon la lune et ses phases, et non selon les mouvements du soleil comme chez les gens du livre. C'est pour ça que les savants de la législation musulmane insistent sur le fait que ceux qui doivent sortir la zakat doivent la faire selon le calendrier lunaire. Ils doivent calculer leur zakat selon, en se basant sur le calendrier lunaire. Ibn Rajab, rahimahullah, dans la Ta'if al-Ma'arif, concernant la parole du messager, alayhi salam, le temps est redevenu comme il était le jour où Allah a créé les cieux et la terre, l'année de 12 mois. Il a dit que cette parole du messager, alayhi salam, c'est pour annuler la pratique des Arabes de l'époque pré-islamique qui retardait certains mois sacrés et les remplaçait par d'autres. Fin de citation. C'est-à-dire, selon leurs humeurs, pour que ça leur permette de faire du brigandage et faire des combats et agir comme ils veulent selon leur envie, désir et leur passion, ils déplaçaient, par exemple, le mois de Rajab, ils l'éloignaient. Le mois de Dhul-Qi'da ou le Muharram, ils l'éloignaient, tout simplement pour que ça leur permette de pouvoir faire leur brigandage et faire ce qu'ils voulaient comme ils voulaient. D'où la parole du messager, le temps est redevenu comme il était le jour où Allah créa les cieux et la terre. Et dans le verset, nous avons vu, et dans le verset qui va suivre, nous allons voir que le fait de déplacer le mois et de le remplacer, ceci est un plus de mécréance. قال عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Donc le verset dans Sourate Tauba, le repentir, verset 37, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Le report d'un mois sacré est un surcroît de mécréance par lequel Allah égare plus encore les mécréants. Et il le déclare profane une année puis sacré l'année suivante, afin que cela concorde avec le nombre de mois qu'Allah a rendu sacré. Ainsi il profane ce qu'Allah a déclaré sacré. Shaitan leur a enjolivé leurs méfaits. Et Allah ne guide pas ceux qui persistent dans la mécréance. Donc le repentir, verset 37. Et donc la façon de faire des Arabes, de déplacer les mois sacrés pour agir à leur guise, pour le brigandage, etc. Allah a dit que ceci, agir ainsi, c'est un plus de mécréance. Donc, et c'est ainsi qu'agissaient les Arabes de la période pré-islamique. Le mois de Rajab a été nommé ainsi, car c'est un mois que les Arabes vénéraient. Et Rajab dérive du mot, de son verbe, c'est Rajaba. Rajaba l'homme, quand il le craint, il le vénère. Donc, ils l'ont nommé ainsi, car il le vénérait et arrêtait le combat durant ce mois de Rajab. Le terme Tarjib veut dire la vénération. Et le terme Ar-Rajib, celui qui vénère son maître. Et ce mois, ce qui nous montre sa grande vénération chez les Arabes de la période pré-islamique, c'est le nombre de noms qu'il porte. Il a été appelé l'Asam, qui veut dire celui qui n'entend pas, le sourd. Car les Arabes délaissaient le combat et on n'entend plus durant ce mois le bruit des armes, ni les appels du secours. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé l'Asam, le sourd. Et il a été appelé l'Asab, car les mécréants de la Mecque disaient que la miséricorde corde se déverse durant ce mois de Rajab, l'Asab. Il a été appelé Rajm, hein, la lapidation, car Shaitan, dans la croyance des polythéistes, les Shayatines se faisaient lapider durant ce mois. Il a été appelé le Haram, le sacré, car son sacrement est vieux. Il date de Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Il est très ancien dans le temps pour les Arabes de la période pré-islamique. Il a été appelé Al-Muqim, car sa sacralité n'a pas été abrogée et il fait partie des quatre mois sacrés. Il a été appelé Mu'alla, l'élevé, car il fait partie des mois qui sont vénérés. Il a été appelé aussi le mois d'Al-Atira. L'Atira, car les Arabes égorgeaient une brebis pour leur divinité et induisaient la tête de leur divinité avec le sang de ce sacrifice. C'est pour ça qu'il a été appelé l'Atira. Et ce nom a eu une évolution, hein, dans le monde contemporain. Certains l'appellent maintenant Ar-Rajabiya, que certains font, hein, ils font toujours ce sacrifice, hein, de nos jours dans certains pays de l'Orient. Soit pour les tombes, et ainsi de suite. Il s'appelle aussi Al-Mubarri, c'est-à-dire celui qui est innocent, car celui qui ne rendait pas le combat licite durant Rajab était innocenté de l'injustice et de l'hypocrisie à l'époque pré-islamique. Il s'appelle Muqashqish, car avec le mois de Rajab se faisait la distinction entre celui qui est attaché à sa religion et celui qui voit le combat licite durant ce mois. Tous ces noms et d'autres sont les noms donnés au mois de Rajab. Cela prouve la grande vénération des polythéistes de la période pré-islamique pour ce mois. Ce mois appelé Rajab de Mudar, et Mudar était la tribu qui vénérait le plus ce mois de Rajab. Certaines innovations se sont immiscées dans la communauté musulmane concernant ce mois de Rajab vers le 4e siècle, après les générations qui ont reçu les éloges d'Allah et de son messager, alayhi salam. Comme ce qu'ils appellent Rajabiya, appelé à l'époque pré-islamique Al-Atira, chez le Bukhari, rahimahullah, selon le Abu Huraira, le prophète a dit, il n'y a ni far, ni far', ni atira. Le far', c'est le premier né des troupeaux qu'ils égorgeaient, que les polythéistes égorgeaient pour leur divinité. L'atira, c'est le sacrifice pour leur divinité durant le mois de Rajab. Dans certains pays d'Orient, vers la Syrie, hein, la Palestine, la Jordanie et en Turquie, hein, cette pratique de ce sacrifice se fait encore de nos jours par respect de ce mois de Rajab. Et certains le font pour des tombes. Et on appelle cet acte maintenant, au lieu de l'Atira, on l'appelle Rajabiya. Comme on appelle une Umrah qui s'effectue la nuit du 26, de la nuit du 27 Rajab, Rajabiya, Umrah Rajab. Dans certains pays de l'Orient musulman, donc on pratique encore cette Rajabiya et on pratique aussi cette Umrah. Il y a un peu plus de 15 ans, on s'est retrouvé dans une agence à Bruxelles et la personne qui nous inscrivait pour nous faire le billet à cette époque et pour nous avoir les visas, pour aller, c'était au mois de Rajab. Et il nous disait, ah, vous avez, il a parlé comme ça, oh là, dans son langage de ami, vous avez de la chance, vous allez pouvoir être là-bas pendant Rajab et pendant la Umra al-Rajabiyya. Et c'était la première fois que j'entendais ce terme. Effectivement, faites attention, quand on est arrivé là-bas, et quand il y a eu la nuit du 27, on a vu un nombre, hein, dire la mosquée sacrée était bondée de monde qui sont venus de partout, hein, pour cette nuit-là. Et il y avait beaucoup de sectes soufis qui étaient présentes, etc. Et faites attention, quand vous voyez maintenant le mois de Rajab, déjà la cour autour de la Kaaba commence à se remplir un peu plus. Et vous allez voir vers la fin du mois, comment ça va être la nuit du 26 ou 27. Et donc, dans certains pays de l'Orient musulman, on la pratique encore cette Rajabiyya. Donc, on égorge spécialement durant ce mois de Rajab pour la sacralité du mois ou pour les mérites inventés du mois. Ceci n'est pas de la sunna. Mais si quelqu'un égorge pour avoir de la viande, honorer son invité, il n'y a aucun mal. Hein? Mais il ne faut pas qu'il égorge spécifiquement pour les mérites du mois de Rajab. Cheikh Mohamed ibn Ibrahim, rahimahullah, al-Sheikh, le mufti qui était avant Cheikh ibn Baz, rahimahullah, dans le recueil de Sifatawa concernant Rajabiyya, l'Atira Hadi, il a dit ce que je comprends, c'est qu'il est interdit. Fin de citation. Et parmi les actes innovés durant ce mois, le fait de jeûner spécifiquement, de jeûner ce mois spécifiquement, et d'y accomplir des prières nocturnes, et d'y accomplir la Umra dite Rajabiyya. Le fait de jeûner, Rajab spécifiquement, et d'y accomplir des prières nocturnes, ceux qui le font, se base sur des hadiths inventés de toutes pièces. Et donc, si on a l'habitude de jeûner un jour sur deux, et où on a l'habitude de jeûner trois jours dans le mois, soit au début du mois, soit à la fin du mois, soit au milieu du mois, où on jeûne le lundi, le mardi et le jeudi, il n'y a pas de mal. Même si c'est au mois de Rajab, parce que c'est notre coutume de le jouer, c'est ça la sunna, il n'y a pas de problème. Mais le fait de jeûner spécifiquement le mois de Rajab pour chercher les mérites de ce mois, c'est là le hic de mettre, de donner une spécificité et de faire une adoration spécifique sur laquelle il n'y a aucun ordre du prophète alayhi wa sallam et qui est une innovation. Dans le recueil du fatwa du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il a dit compte fait de spécifier le jeûne ou la retraite spirituelle durant le mois de Rajab et durant le mois du Sha'ban, ceci n'est pas basé sur une argumentation rapportée du prophète alayhi salatu wassalam ou de ses compagnons, ni des grands savants de l'islam, mais il a été rapporté dans l'authentique que le messager d'Allah jeûnait plus durant le mois du Sha'ban que les autres mois de l'année pour se préparer pour Ramadan. Fin de citation. Donc, le jeûne spécifique, jeûner spécifiquement le mois de Rajab, hein, tous les hadiths relatés à ce niveau-là sont des domaines des hadiths inventés. Hein, mais comme je l'ai dit auparavant, si quelqu'un a l'habitude de jeûner, hein, le lundi, le jeudi, un jour sur deux, etc., jeûner les jeûnes de la sunna, il n'y a pas de mal qu'il le jeûne pendant le mois de... Hein, ce qui est interdit... Et ce qui n'est pas légiféré, c'est le fait de le faire spécifiquement pour les mérites de Rajab, alors qu'il n'y en a pas, en se basant sur le hadith inventé. Cheikh l'Islam, dans le recueil du fatwa, dit que la vénération du mois de Rajab fait partie des innovations qu'il faut éviter. Fin de citation. Ibn Abi Shayba, dans le Musannaf, rahimahullah, rapporte un athar dont la chaîne de transmission est jugée authentique par Cheikh Nasr Dil Albani, rahmatullah alayh. Kharsha ibn al-Hurr a dit, Omar ibn al-Khattab taper, donner des coups sur les mains des gens s'ils ne les mettaient pas dans ce qui leur servait comme repas jusqu'à ce qu'ils mangent. Et ils disaient, c'est un mois que les gens de la période pré-islamique vénéraient. C'est-à-dire, ceci se passait durant le mois de Rajab. Et quand il y a des gens qui arrivent à Médine, et lui, il était le calife, donc quand il voyait que, quand il servait le repas, et que les gens ne mettaient pas la main, il tapait les mains. Et il disait, mangez. Ce mois, c'est-à-dire le mois de Rajab, était vénéré par les polythéistes. Qu'Allah agrée Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu arda. Combien nous avons besoin de Omar ibn Khattab à notre époque. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu arda, détestait aussi le jeûne de Rajab. Le fait de spécifier Rajab par une umra, ceci est un acte blâmé par les savants du salaf. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, dans le recueil de Sifatawa, dès les savants ont blâmé et réfuté le fait de spécifier Rajab par l'i'timar, par l'accomplissement de la Umra, de le faire spécifiquement pendant Rajab et chercher les mérites soi-disant du mois de Rajab. Et parmi les énormes innovations de ce mois de Rajab, Salat al-Raghaib, qui se fait lors de la première nuit de la première Jumu'a de Rajab, c'est-à-dire jeudi prochain. Tous ces sectes qui le font vont le faire, parce que ça va être la première Jumu'a de Rajab. Et parce que ça se fait la première nuit, et donc la nuit commence, la nuit du vendredi commence au coucher du soleil du jeudi. Donc, et parmi les énormes innovations de ce mois de Rajab, Salat al-Raghaib qui se fait lors de la première nuit, de la première Jumu'a, qui se fait lors de la nuit de la première Jumu'a de Rajab. Et il s'accomplit entre le Maghreb, entre Salat al-Maghrib et l'Isha, en ayant jeûné le jeudi du mois de Rajab, le premier jeudi du mois de Rajab. Et donc à l'origine de cet acte, un hadith, ce hadith est inventé, et ce hadith nous dit que le messager d'Allah aurait dit, Rajab est le mois d'Allah, Sha'ban c'est mon mois, et Ramadan, c'est le mois de ma communauté. Quiconque jeûne le premier jeudi de Rajab, puis prie entre le Maghreb et l'Isha, c'est-à-dire la nuit du vendredi, 12 rak'at, deux unités par deux unités, lisons la Fatiha une fois, et lisons Surat, la nuit du destin trois fois, et lisons Qul huwa Allahu Ahad 12 fois, et à la fin de sa prière, il fait la prière sur le prophète et se prosterne, une seule prosternation. Donc, dans ce selon hadith, il a été cité d'énormes mérites pour cette prière. Et cette prière de Raghaib a été innové à la mosquée de Jérusalem en l'an 480 de l'Hégire. Avant cette date, personne ne l'a prié. Et il n'y a aucune preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les compagnons l'avaient faite, ni ceux qui les ont suivis à la perfection. Donc, il n'y a aucun doute que c'est une énorme innovation. C'est une prière qui est en complète divergence avec le calme et la quiétude et avec lesquels doit s'accomplir la prière par le fait de calculer le nombre de sourates. C'est-à-dire qu'on est perturbé, il faut calculer le nombre de sourates, qu'il wallahu ahad 12 fois, il faut calculer le nombre de sourates la nuit du destin, et ainsi de suite. Et cela ne peut pas se faire qu'en faisant bouger certains membres du corps pour calculer. Et cela aussi préoccupe le cœur, donc il ne peut pas atteindre le khushu' qui est l'âme de la prière. Et en plus, cette prière s'accomplit en commun. Alors que les seules prières surrogatoires qu'on accomplit en commun, ce sont Salat Tarawih durant le mois de Ramadan, ou la demande de la pluie, ou l'éclipse. Et cette prière de Raghaib est en divergence avec la sunna de la rupture du jeûne, car il doit s'accomplir juste après le Maghreb, alors qu'il est demandé au jeûneur de tout de suite rompre son jeûne. Aussi, cette prière est en contradiction avec le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, où le messager d'Allah a dit « Ne spécifiez pas la nuit du vendredi par des prières nocturnes, et ne spécifiez pas sa journée par le jeûne, sauf si cela coïncide avec le jeûne de quelqu'un parmi vous. » C'est-à-dire, sauf si quelqu'un a l'habitude de jeûner. Et il jeûne dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Mais de spécifier le vendredi comme ça, ou la nuit du vendredi pour des prières nocturnes comme ça, cela est en contradiction avec la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Ce mois de Rajab était très vénéré par les polythéistes, au point où les polythéistes le spécifiaient pour leur dua contre les injustes. Et leur dua était exaucée. Il y a des récits qui relatent cela. Et on rapporte, comme dans la Ta'if al-Ma'arif d'Ibn Rajab, qu'Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, a dit qu'Allah leur donnait leur cela, c'est-à-dire leur exaucer leur dua durant le mois de Rajab, qu'Allah leur donnait cela pour empêcher les uns des autres. Et on rapporte que Omar ibn Khattab a dit qu'Allah leur donnait cela pour empêcher les uns des autres. Et Allah a fixé comme rendez-vous pour vous la résurrection. Et c'est la pire et la plus amère. Ceci est relaté dans le Ma'arif. Donc il dit pour empêcher les uns des autres. C'est-à-dire, quand il voit que celui qui a commis une injustice a reçu un châtiment, ça les fait limiter. Ça les arrête pour ne pas transgresser. Et durant ce mois de Rajab, il y a aussi cette innovation qui est la célébration de la nuit du voyage nocturne et de l'ascension du messager, sallallahu alayhi wa sallam, appelé l'Isra wa al-Mi'raj. Il n'y a aucun doute que cette célébration est une innovation que les ignorants attribuent, que les ignorants attribuent à la législation d'Allah. Ils en ont fait une sunna qui s'effectue chaque année durant la nuit du 27 Rajab, c'est-à-dire à partir du coucher du soleil du 26 Rajab. Ils ont excellé dans les blâmes, dans les actes blâmables qu'ils effectuent durant cette nuit-là. Ils se réunissent dans les mosquées, ils allument des cierges, et aussi ils font des lumières pour les minarets, ils allument les minarets avec des lumières, lisent le Coran en commun, ainsi que les invocations, chantent des poèmes, ils récitent l'histoire inventée de l'Isra et de l'Mi'raj, de l'ascension et du voyage nocturne. Cette histoire qu'ils attribuent à Ibn Abbas, radiyallahu anhu, comme ils récitent durant cette nuit l'histoire de Ibn Sultan, cet homme qui ne priait pas, qui ne priait que durant le mois de Rajab. Soi-disant, quand il est mort, les signes de la vie virtuosité ont apparu sur son visage. Et cette histoire, il est interdit de la lire. Ce ne sont que des mensonges, et ceci est relaté dans le livre Sunan wal-Mubtada'at. Shaitan leur a embelli le fait de se réunir, hommes et femmes, dans les mosquées. Pour cette nuit, les femmes y venaient embellies par leurs vêtements. Et les hommes, tellement ils ne veulent pas sortir de la mosquée, quand ils veulent faire leurs besoins, ils reviennent en arrière de la mosquée, ils la font, ils souillent ainsi la mosquée. Les femmes sont gênées pour sortir dehors, faire leurs besoins, et il y a quelqu'un, un individu qui passe avec un récipient pour que les femmes puissent faire leurs besoins, et après il sort, il le jette dehors, et après il revient. Certains sortent faire leurs besoins dehors, et comme ça, quand les gens arrivent pour Salat al-Fajr, ils passent sur, des fois, leurs sandales sont imprégnées de souillures et d'impureté. Tout ceci s'accomplissait. Wal'iyadhan billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et louange à Allah de nous avoir fait connaître la sunna du messager alayhi salatu wassalam et de nous avoir fait connaître la voie de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alim. Tout ce que je viens de citer, aussi en Turquie, des gens voyagent de différentes régions de Turquie durant la nuit du 26 Rajab, la nuit du, c'est-à-dire à partir du coucher de soleil du 26, et ils vont visiter les grandes mosquées d'Istanbul. Tout ceci, les gens l'accomplissent soi-disant par amour du messager d'Allah. Comment on peut prouver l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des actes qui sont en divergence avec ses enseignements? Où sont parties les raisons de ces gens-là? Et comme il a dit Shuqayr rahimahullah, y a-t-il un marché où on peut acheter des raisons à cela? Y a-t-il un marché où on peut acheter des raisons à cela? Il n'y en a pas. La raison, c'est un bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala comble qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Ces célébrations accomplies durant la nuit du 27 Rajab sont nulles, car il n'y a aucune preuve que l'Isra et le Mi'raj, que le voyage nocturne ou l'ascension du messager alayhi salam ont eu lieu durant cette nuit. Les savants ont divergé sur la date de cet événement. Ibn Hajar a dit, il y a eu divergence sur la date de l'ascension. Certains sont d'avis qu'il a eu lieu un avant que Muhammad alayhi salam ne reçoit le message, c'est-à-dire avant qu'il soit messager, et ceci est marginal et loin. Sauf qu'il a été dit qu'il a eu lieu en ce moment-là avant qu'il soit messager et qu'il a eu lieu dans le rêve. Alors que ce que nous savons d'authentique, c'est que le messager alayhi salam a fait son voyage nocturne, le corps et l'âme en même temps, ainsi que l'ascension. Et donc beaucoup de savants sont d'avis qu'il a eu lieu après que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est devenu messager sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit qu'il a eu lieu un an avant que la hijra, comme cela est rapporté par Ibn Sa'd dans Tabaqat, et c'est ce que confirme Nawawi rahmatullah alayh, hein. Et il y a, en tous les cas, il y a une grande divergence sur la date et le jour de ce voyage nocturne et de cette ascension. Et on compte plus de 10 avis. Certains disent qu'il a eu lieu durant le mois de Ramadan, et d'autres durant Rajab, d'autres durant Rabi' al-Awwal. Donc, selon les avis des savants, il y a une énorme divergence sur la date et le mois de l'ascension. Et la situation est conforme à ce qu'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans le recueil de ses fatawa. Il a dit, il n'y a aucune preuve déterminée concernant le mois et le jour. Tout ce qui a été rapporté relate la divergence. Salaf sont unanimes que les célébrations de l'ascension est une énorme innovation que le messager d'Allah a interdit dans sa parole authentique. Attention à toute nouveauté dans la religion, et toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est à l'égarement. Et sa parole dans le hadith authentique, quiconque innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, lui sera rejeté. Et l'autre hadith, celui qui œuvre une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre, lui sera rejeté. Fin de citation des paroles de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dans la célébration de l'ascension et de l'Atira, la Rajabiyya, le sacrifice de Rajab, et la célébration de la prière de Raghaib, la nuit de la première Jumu'ah de Rajab, tout ceci n'est que des innovations qui sont apparus après les meilleures générations musulmanes. Et si c'était un bien, ils auraient été les premiers à les accomplir. L'ascension et le voyage nocturne font partie des grands mérites du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, rien n'a été légiféré pour leur temps ni leur lieu. La grotte de Hira, où le messager sallallahu alayhi wa sallam faisait ses retraites avant la prophétie, Il n'y est pas revenu après la prophétie, ni ses compagnons, pendant toute la période qu'il a passée à la Mecque, alayhi salatu wassalam. Le jour où le messager a reçu la révélation, et l'endroit où il l'a reçu à Al-Hira, il n'y est pas retourné. Et le jour où il a reçu la première fois la révélation, il n'a pas spécifié ce jour-là avec une adoration, ni l'endroit où cette première révélation a eu lieu, qui est Al-Hira. Il en est de même de ses compagnons, radiyallahu anhu wa ardahum. Donc celui qui donne une spécificité, un temps ou un endroit avec des adorations, celui-là imite les gens du livre qui ont fait des situations vécues par Isa alayhi salatu wassalam, des périodes de célébration et des périodes d'adoration, comme son anniversaire, comme le baptême, et ainsi de suite. Ibn al-Qayyim rahimahullah rapporte dans Zad Ma'ad qu'Omar ibn al-Khattab a vu des gens aller à un endroit pour y prier, c'est-à-dire durant un voyage, il a vu des gens aller vers un endroit pour y prier. Il les voit partir et certains revenir, etc. Et il leur a posé la question, c'est quoi? Ils ont dit, c'est un endroit où le messager d'Allah a prié. Et il leur a dit, radiyallahu anhu arda, vous voulez prendre les traces de vos prophètes comme mosquée? Ceux qui vous ont précédé ont péri à cause de ça. Celui qui est arrivé à cet endroit à l'heure de la prière, qu'il y prie, sinon il passe. Fin de citation. Regardez comment était ce pieux prédécesseur, radiyallahu alayhi. Cheikh l'Islam, dans le Mjmou', dans ses recueils de fatawa, a dit, le fait de prendre des saisons qui ne sont pas légiférées, comme les nuits de Rabi' premier, où il célèbre le Mouloud, comme les nuits de Rabi' premier, qu'on prétend que c'est sa naissance, alayhi salatu wassalam, ou certaines nuits de Rajab, ou le 18e jour de Dhul Hijjah, ou la première Jumu'ah, ou la nuit de la première Jumu'ah de Rajab, ou le 8e de Shawwal, que les ignorants appellent le jour du bienfaisant. Tout ceci fait partie des innovations que Salaf n'ont pas fait et n'aimaient pas. Et sauf Allah sait. Fin de citation des paroles de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, dans le recueil de Sifatawa, il dit en réponse à l'invitation qui a été adressée à la Ligue du Monde Musulman pour assister à une célébration de l'ascension et du voyage nocturne. Et il a dit en réponse à la question qui lui a été posée à ce sujet, cela n'est pas légiféré par les preuves du livre et de la sunna et par la raison. Il n'est ni légiféré, ni par les preuves du livre et de la sunna, ni par la raison non plus. Fin de citation. Partant de là, tout ce qui se fait durant Rajab est rejeté par la législation d'Allah. قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. La traduction approximative du sens de ce verset nous dit, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion et je vous agrée l'islam comme religion. Aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et je vous agrée l'islam comme religion. Sourate la table, verset 3. Wa qala subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Et dans sourate Al-Imran, verset 5, la traduction approximative nous dit ceci: dites, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Donc, dans la sunna de notre prophète, alayhi salam, il est dit, quiconque innove quelque chose dans notre religion, il lui sera rejeté. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Et dans la version du Muslim, rahimahullah, Il est dit quiconque œuvre une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre, il lui sera rejeté. Donc les célébrations d'Orajab, Ascension et autres sont une innovation claire. En plus, c'est une imitation des juifs et des chrétiens dont la vénération qu'ils vouent à certains jours. Et le messager d'Allah qui a été envoyé pour éclairer les gens sur ce que veut Allah d'eux n'a rien légiféré de ce qui se pratique durant ce mois de Rajab ou autre. Ainsi que ces khalifs bien guidés n'ont rien fait, ainsi que les nobles compagnons d'Allah alayhim, et tous ceux qui font partie des générations qui ont eu les éloges d'Allah et de son messager alayhi sallam, n'ont rien fait durant le mois de Rajab ou durant le mois de Rabi' ou autre. Et ce qui se fait durant le mois de Rajab n'a apparu dans la communauté qu'à partir de l'an 480 de l'Hégire. Ça veut dire que presque 5 siècles, les meilleures générations n'ont pas accompli leur devoir. A'oudhu billah. A'oudhu billahi min al-khudlan. Hein? Donc, frère Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir de nous avoir comblés, d'avoir connu la sunna du messager alayhi salam et de nous avoir comblés du fait d'apprendre ce que c'est que la voix du messager alayhi salam et la voix des pieux prédécesseurs de Allah alayhim. Ceci est un grand bienfait quand on regarde cette marée humaine qui baigne dans les innovations et qui suivent des passions et qui font des actes. Disons ça, c'est un acte bien. Il n'y a aucun mal dans cet acte. Tout le monde le fait. Pourquoi je vais être marginal par rapport aux autres? Alors que notre messager, alayhi sallam, a dit que l'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Et toba lil ghuraba. C'est-à-dire, félicitations pour ces étrangers. Un arbre au paradis. Un apaisement dans l'adoration, et ainsi de suite. Se sentir marginal à notre époque, c'est quelque chose de normal. Peu importe si tu t'accroches à la sunna de ton messager, alayhi salam, et à la voix du tupiou prédisseur, wallah alayhim. Peu importe ce que font les autres. Wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah. Comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, si tu obéis à beaucoup de gens sur terre, ils vont te détourner de la voie d'Allah et du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, an yarzuqna wa iyyakum al-fiqha fi d-din, wa asaluhu subhanahu wa ta'ala, j'alna wa iyyakum من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا